Chez Dolbo Auto, profitez des différents rabais de fin d'année. Le Colorado 2019 à partir de $84 par semaine, aucun acompte et un taux d'intérêt préférentiel de 1,9% pendant 60 mois. Ou encore, venez faire un essai du Silverado 1500 2019, $91 par semaine plus taxes, aucun acompte pendant 84 mois à 0,99% d'intérêt. Dolbo Auto, 1700 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 418-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbo Auto vous invite à acheter local pour soutenir notre économie. On va parler des Aigles de Roberval avec notre ami Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, trois matchs étaient au programme la semaine dernière dans vos différents calibres. Quatre, je pense, au fait, là, okay. Dans le fond, nos Benjamins jouaient un match sur la route, donc contre Cardinal-Roy, c'était leur premier match là, de l'année contre eux. Ça s'est solvé là, avec une défaite là, de 2-0, un très bon match là, dans l'ensemble. Notre gardien, là, Félix-Antoine Simard, a très bien fait dans la défaite. Au niveau du cadet maintenant, le cadet jouait deux matchs à l'extérieur. Donc le premier match, là, c'était contre l'école secondaire de la Seigneurie. La Seigneurie, là, eux, n'ont pas de cadet D1 non plus. Donc c'est des matchs là, souvent sont un petit peu plus relevés, là, sans vouloir mal parler. Là. Souvent, le cadet D1 fait en sorte que la crème est un petit peu plus là. Et puis le deuxième niveau, quand on prend les organisations, parce qu'ils ont les deux calibres, donc c'est sûr qu'on remarque une différence en début d'année. En fin d'année, là, on voit que le tout se resserre. Et puis, il y a une très bonne équipe, là, très grosse physiquement. J'ai été vraiment surpris. Donc, ça a été un verdict nul là, de 1-1 contre l'école secondaire de la Seigneurie. Puis, le lundi de l'Action de grâce, le cadet joue un deuxième match dans leur week-end contre l'école Cardinal-Roy. Une victoire là, de 7-2 là, pour eux contre Cardinal. Et puis nos juvéniles, eux, jouaient deux matchs également le week-end dernier, un à domicile contre Samuel de Champlain, l'école secondaire de Samuel de Champlain, une victoire de 4-0. Et puis lundi, l'Action de grâce également contre Cardinal Roy dans un programme double, là, une victoire de 2-0 là, pour les juvéniles. OK. Là, ça ressemble à quoi à cause du week-end? Le week-end, là, nos cadets, eux, là, ont joué quand même beaucoup de matchs là, présentement. Donc, eux, sont en relâche en fin de semaine, c'est congé complet. Nos juvéniles, eux, jouent ce soir contre la polyvalente d'Arvida, le Blue Heart d'Arvida, là, dans un match là, hors secteur, là, hors arena. Là, on va jouer à Saint-Félicien ce soir là, pour essayer de se promener là, un petit peu partout dans la commission scolaire. Donc, c'est ce soir, 19h. Au centre Marianne Saint-Gelais. Et puis nos Benjamins, eux, vont jouer demain soir à Saint-Henri contre Pointe-Lévis, une très bonne formation également en Benjamin Division. OK. Quand que vous partez pour Saint-Félicien, quand vous jouez des matchs que là, vous allez en jouer ici même à Dolbeau-Missassigny aussi, est-ce que c'est plus de travail? C'est-tu comme jouer un match en saison, parce qu'il faut vous déménager tous vos équipements, tandis que là, vous êtes l'équipe est basée à Roberval, tous vos équipements sont là, ça se compare pas mal? Moi, je pense que c'est plus au niveau de la logistique. Là, en frais d'équipement, les poches, c'est la responsabilité des joueurs de l'amener à l'aréna puis de le rapporter à l'aréna. Okay. Donc, pour ça, c'est pas plus de travail pour moi. C'est plus au niveau de la logistique, là, s'assurer que la physio est à la bonne place, de retrouver un chronomètreur. On a un chronomètreur qui est toujours là. Et puis, si je te dirais que le travail est plus lors de la confection des calendriers. On doit le prévoir un an et demi à l'avance, parce qu'on va aller jouer en 2020 dans les arénas. Donc, quand je fais affaire avec les municipalités pour m'assurer d'avoir un bloc de glace, ben, eux, c'est souvent les heures de glace du hockey mineur, donc ils ne savent pas encore là, qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, on ne veut pas déplacer, mais en même temps, on veut que les jeunes puissent jouer chez soi là, aussi. Fait que, je trouve ça le fun. Là. C'est la première année qu'on le fait. On aurait voulu le faire la première année, mais on n'existait pas encore. Donc, chaque chose en son temps, puis on est rendu là présentement. OK. Donc, c'est normal aussi parce que vous êtes l'équipe du territoire, vous n'êtes pas juste l'équipe de Roberval. Exactement. C'est pour tout l'ensemble de la commission scolaire. Ouais, exactement. Bruno, Simon, un gros merci. On s'en reparle bientôt. Merci, Daniel. Bye. L'instructeur-chef Simon Gaudreau.